Je peux comprendre que quand on n'a pas vu ce qui se passe en Haïti, quand on n'a pas vu ce qui se passe au Darfour, quand on peut parler de presque de façon académique. Et c'est pourquoi je suis venu avec un film ici. J'ai dit, passez ça, parce que je ne veux pas parler de choses que les jeunes ne comprendront pas. Si moi-même, vivant en Haïti, je n'avais pas été sur place pour voir les jeunes, pour voir des enfants qui dorment à la belle étoile sur le toit de leur maison, le lendemain se réveille avec le soleil. Et il m'est difficile d'expliquer à quelqu'un qui n'a pas vu ce qui se passe en Haïti. C'est un pays ravagé, dévasté, et il y a à reconstruire. Concrètement, il faut prendre d'abord la dimension du problème. Et surtout, pourquoi on est arrivé là? Écoutez, je ne veux pas m'ériger en tribunal. Je vais dire une vérité historique. On est arrivé là. Pas parce que le paysan coupe des arbres pour faire du charbon. Non. On est arrivé là parce qu'en 1492, il y a un monsieur qui s'appelait Christophe Colomb qui est arrivé avec ses gens et qui ont agressé l'environnement d'abord par la disparition de l'élément important de l'environnement qui s'appelle l'Indien, qui avait un rapport à l'environnement. Et ensuite, lorsque les Français sont arrivés avec les esclaves, c'est pas par méchanceté qu'on est venu avec les esclaves, c'est pour des raisons économiques, c'est pour faire des plantations de canne à sucre, de grandes plantations de canne à sucre. Il fallait couper les arbres pour faire des plantations de canne à sucre. Il fallait lester les bateaux avec les essences telles que le campêche, des essences rares qu'on a transportées en France. Ce phénomène a duré 300 ans. Lorsqu'à l'indépendance maintenant, les généraux ont pris toutes les bonnes terres et confiné les petits paysans dans les mornes. Quand on vit dans les mornes, il faut vivre du morne. Les mornes, c'est la montagne. Il faut vivre de la montagne. Pour vivre de la montagne, il faut couper les arbres pour planter de quoi manger. Ça a duré 200 ans. À l'occupation américaine, des compagnies qui n'étaient pas là pour durer ont eu des concessions forestières. Comme ils n'étaient pas là pour durer, ils n'ont pas replanté. La dictature de Duvalier, sa famille a reçu en concession également de grands espaces de concessions forestières. Même si le président disait « je suis à vie », mais il savait bien qu'il n'était pas là pour durer éternellement. Donc, il y a une histoire. Et je crois que chacun doit voir sa responsabilité dans cette histoire. Je crois que tous les espaces de dialogue sont utiles. Et on a beaucoup parlé de la crise financière, je veux bien, parce que de toute façon, la crise financière aura des effets sur tout le monde. Mais il faut parler de la crise financière avec des solutions qui règlent le problème de façon globale. Par exemple, le président Watt dit le problème, ce qui est en train de se faire maintenant avec la crise financière n'est pas la solution. La solution de la crise financière n'est pas financière. Il faut investir dans les pays qui peuvent produire des biens, par exemple les pays d'Afrique. Il faut cesser la spéculation et créer des biens. Écoutez, je veux prendre l'occasion de cette occasion pour dire à la communauté internationale, terrible catastrophe, qui est liée à deux choses. Le déboisement, c'est-à-dire un environnement fragile, et aussi le réchauffement de la planète qui va nous amener des tempêtes de plus en plus fréquentes et fortes. Nous sommes sur une planète. Nous ne pouvons pas faire comme si ce qui nous touche aujourd'hui ne touchera pas un autre demain. Il faut vivre autrement, plus solidairement. Merci.